أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد كن نيات والو أجي مي بيليرينا الامين كن بي ويسو gisoon nañu li jëmon ci jëfu aji moy acte waxon nañ ko ak umra tamit waxon nañu jëfu aji manon nañ ko teunk ci 10 waxon nañ début bi ba fin bi ak lepp limi jeex waxon nañu moy biñuy wax ihram bi ba ñetti jour yi ñew après jouru tabaski 10e jour bi ak tamit wër kaaba gi bu mujju bi après nga ñibbi umra tamit waxon nañu yi nga xamne mo ci aji won legui mu dess ci gisoon yi wessu mo am yo xamne bi may deglu war setu na amna quelque ay erreur yu ma gis concernant bi ci jëk moy liñ doon wax ne ci walu est-ce que moy question yi gisoon avant ñuy dugg ci réellement ci affaire bi question bi lan té lawone wala ndax nit man nañu ko xamné soit dafa fièvre wala dafa magué est-ce que man nañu ko adjal wala dit xam nga dañu gissone né maliki yi rahmatullah alayhi muy ngir bi ñom dañ né lolu mom man da nek ñi ci dess ñepp muy yenen ñetti ngir yi dañu né ñom rahmatullah alayhi ñom dañ né man na nek légui biñ nanu maliki man da nek liñ tektalo won seen argument yi taxone ñune man da nek moy dama jaawale won hadithu ndax ma ngi lon hadithul khasamiyya moy hadith abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala nga xamne mu ngi ko jele ci rakam magam bok al fadl ibn abbas magam moko netali mune yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ndax bobu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bi mi acc dafa am ben moment bo xamne dako supporter won moy liñ nane supporter tay dako tegon ci gellem gim togon ñu at ci la yegon ño bokkon yi mune da ben jigen bu bokku ci khasam ben tribu la mu ñew la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam neko sama bay farataay acc dako dab mais dafa magge ta manula supporter transport bi manou ci nek manou la yeg bu ne yegge ci gilem bi manou la supporter voyage bi est ce que man nako adjal muneko muneko adjal muneko adjal ko lolou hadith bobu muttafaqun alayhi moy imam al bukhari ak imam muslim rahmatullah alayhi ñoko solo legi mu amone benen version ci hadith bobu bo xamne imam an nasa'i imam al bukhari rahmatullah alayhi ñoko solo moy bim ne ko yaronata sallallahu alaihi wasallam da ko laaj ne ko est ce bu sa baye bu amone det dang koy fay wala dit muneko waaw muneko kon detu yalla boru yalla mo gina yeñu fay ko bobu nonu la jaawale won ak benen hadith bo xamne Musa ibn Salama radiyallahu ta'ala anhu ki mom moko solo dane yaronata bi sallallahu alaihi wasallam da ben jigen bu ñew laaj ko ne ko ci aj gog sama yaay dafa genn adina est ce que man nako adjal ndax buma ko adje la dina nek mu taxaw place am mom munako waw ci hadith bobu tay munako est ce que bu amone comme bor wala det nga fay ko ndax dina taxaw place am munako waw munako kon def ko lol nak la jaawul won nak bele ne maliki rahmatullah alayhi ci lol lañ sukkandiko won mais ñom sukkandiko won ñon sax ngir ne manu nit ko xamne day dundu ñaka dem makka liko waral moy dafa febar ba yaakaruñ ci mom wër wala manu la supporter transport lako fa yobbu ñom sukkandiko wowuñ sax ci hadith yoy ñom xam nga lañ newon ñom bokku nañ ci liñ waxon nañ ne ñom de toute façon waji mom manuko ndax bokku na ci man gi moy yow sa wërgu yaram ak sa côté koor nga man ko ñom nak dafa feel manuko mais ñom benen côté biñ sukkandiko du hadith la ndax hadith yoy dafa leer ndax version bi mo doon wax naan da version buy woné né koku dundul won moy bu ndaw ci moy bu Musa ibn Salama bimu né ndaw ci da ñew né yaayam dafa genn adina té du bobu sax lañu sukkandiko ñom lañu sukkandiko li la moy né dañu né li tax nit kuy dund mo xam entre parenthèse moy nit ko xamné day dund dulit mana aji charte yépp condition yi réunir ci mom koku mom ta mu man ko dara téwu ko du fébar du dara koku mom il est impossible muy déléguer kenen nan ko adjal ma koku ñepp d'accord ne mom par force day aji manula tok nan parce que j'ai beaucoup de boulot sama travail duma ko man légui diw yow demal adjal ma lolu ñepp d'accord ne koku man la nek biñuy wax ni moy ka ko xamne dafa fébar ba fébar bo xamne manatu le wër wala ko xamne dafa am fébar bo xamne day walaté ñu né ki dañ koy mettre en quarantaine li dess ci dundum ndax faj naño faj manuñ ci dara médecin yi wax lool koku ci ka yoy lañuy wax mom maliki rahmatullah alayhi ñom dañ néwon man da nek de toute façon man da déléguer kenen il n'est même pas obligé de déléguer kenen ta bu ko défé du bax ñom dañu né ginnaw ko manu ko ndax yaramam ñu né dafa am jaamu yalla yi dafa am ñetti façon dafa am jaamu yalla yo xamné yam rek ka koy def am jaamu yalla yo xamné alal la alal rek am jaamu yalla yo xamné dafa day jaxaso day dafa bok alal da ci bok ak tamit yaram moy nit ki il faut mu impliquer wu personnellement ta mené lol ben côté la benen côté bi moy da fay day jaxasse deux alal ak bolé ci am voilà ak man ko def ñom ñu né ñetti yoy mo am bu ñëk bi nga xamné affaireu yaram mo koy def mu ngi melni comme julli julli wor yoy nit ki manula tok julli jot mu né non dama tayel modu jullil ma lol man da nek koor gi da jot man nak xeki xif bi moma arrangé wul kon nak penda waw kay julil kenn penda woral ma lol man da nek lolou moy bu jeuk bi moy li nga xamne yaramu nit ki jeuf yi nga xamne ci yaram la aju lolou kenn manu ci remplacer kenn ñom ñu ne lol ben la benen bi moy bi nga xamne ay alal mo koy def comme azaka xam nga azaka mom moy nit ki man nako man nañ ko ko gennel lolou ka bo budé alal rek la man na déléguer kenen mu défal ko moy man na am alal mané diw man nak ma ngi di dem wala sax ma ngi fi mais sama alal jit genn ci li war ak yi nga azaka nga joxé ko lolou man nako def pourtant du man mako def directement lolou mom d'accord nañ né tamit ñepp d'accord nañ né man na né mu ngi melni tamit maray mo xam maren di sama xar tabaski wala yoy wala ma dem makka legui may joxe yapuy xam nga joxe bobu le fait que kenen diko joxe sama place dara newu diko distribuer en place lolou man na nek alors que bu ñeuk bi man da nek legui dernier bi moy bi nga xamne day bolé ñaar yi yaram waji day impliquer personnellement ak alal ñom nak ñu né ci bobu mom man da bobu tamit kenn manu ci remplacer kenen ta ci yoyu acc la bokk ndax acc moy né sa alal da ciy dem surtout ko xamné bu dé dekkul mak ko xamné mom pour mo la koy yobbu mak moy il faut mam alal lool moy kon alal amna ci solo motax bo gisé biñuy wax ci man gi côté alal gi dañ ko don wax moy li ngay yobbu bo fa nekké ak bo ñibis ñom nga gis ne kon côté bob dafa am moy côté alal ak côté bo xamantene ni yow yaay impliqué wu comme di wër kaaba gi di daw safa ak marwa di taxaw arafat lol say yow ya koy defal sa bob ñom ñu ne ci yu jaxasu yoyoyu nga xamne day bolé deuy tamit kenn du ci remplacer kenn le fait que kenn du ci remplacer kenn nak ta acc la bok kon acc kenn manu ko remplacer keneen boudé waji mu ngi dund mais yalla lima lay bëggal aussi parce que dafa am fuma don renseigner wu di wax ne dama bëgg dem makka pour tu vois mais xam nga luma mine ma jigen mine ma ndax am nga tuteur tu vois mané ko tuteuru lan tu vois mine ma jigen budé amulo jëkkeur amulo wala sa dom wala tuteur ko xamné moy and ak yow duñ la jël lolu moy li mala waxon xam nga lolu waxon nañ ko ci question yi biñ nan digeen ni bo fatelo ko condition yi dañu waxon 5 conditions yokku ci benen moy ne 5 yi goor ak jigen ci yam 6ème bi jigen ñi rek le concerne moy ne jigen pour mu dem il faut mu am luñ nane coach armal moy soit mu and ak papam wala domam mais goor lay doon wala domam du goor wala magam wala ni wala ko xamantene ni mago papam ñu mel nonu lolu la la ne won lolu dafa am ñu ne mom par exemple imam shafi'i ak imam ahmad rahmatullah alayhi rahmatullah alayhima ñom dañu japp ne il faut lolu am non ba imam shafi'i imam abu hanifa ndax dama la waxon ne imam malik rahmatullah alayhi ngiru imam malik ñom bokku nañu ci ñi ne ñom budé jigen gi and na ci convoi bo xamanteni ni dafa sûr doyna même bu amul lele waaw xam nga bu ma la koy wax ma ngi nan ta li ni ñepp d'accordu ñu ci dé borom xam xam yépp d'accordu ñu ci né waaw mom bu amé convoi bu sûr rek mo xam compagnie la mo xam même budé ay jigen kessé lañu wala ay jigen ak goor tamit mais ñu woon muy ñu bari pour ñom lool bax na man nga dem mais nak ci aju farata rek lañ ko permettre won yaw nak ñi la wax loolu moy de moy ñi bokku ci moy dañu jël ñom vision ñeneen ñi mo donné ma c'est les salafistes qui font comme ça non pas les wa les salafistes nak ñi ñaan les salafistes ñi wowe seen bop salafistes ci jamono ji moy comme ñi nga xamné moy comme ñu nek arabie saoudite ñom en général ñom ba at tamit ñi nga xamné ñom lañuy top moy dañuy wowe seen bop salafistes mais cela ne veut pas dire que wa ñom ndax ñom ñom mazhab biñu and ndax ñom ne ma jigen toute seule on va pas le la prendre wa lool da ngay dem benen compagnie da ngay dem benen agence ndax ben affaire la moy ne ñom tamit manu ñi wax lool moy kep ku ne mom ko xamne agence bo xamne dañe man li lay doxal digen balak il faut mu am soit jeukeuram wala papam wala domam wala magam fokh mu am dal kou mo wala tuteur ko manuñu ko blamer ndax lim wax amna ay borom xam xam ni ko wax amna li wa ci wax dara si waxon nañ ko bepp bo fatale ko ci cour yi waxon nañ ko biñi wax 6ème condition bi nga xamne digen ni rek lolu ñom en général ndax côté arabie saoudite en général surtout ñi gina siw boy deglu leg leg surtout ci biti ni li ñuy wone da ngay ah door deg lolu ah ouais pourtant waxon nako fi ya ko setlu wul waxnako fi bi may wax 6ème condition bi waxnako bi may wax ne mom la wolof nan coach armal que ne maliki rahmatullah ñom bokku nañ nak ci ñi ne lolu ndax dama ne la won 6ème condition bi moy digeen soit mu and ak coach armal mom magam wala fréram o frère am bu goor wala madam wala compagnonnage bu woor te compagnonnage bu woor bobu ñepp d'accordu ñu ci waye nak ngiru imam malik rahmatullah alayhi bokku nañ ci ñu ne man na nek lool lañ waxoon peut-être ya ko setlu lool legi lima doon wax moy ñoon ñu nane salafiste par exemple bo ne ñom liñu wax nonu ak keneen ku man di doona ko xamne dafa gis ne man ide bi ta tamit da am fuñu ko tek four ndax yaronu sallam no lo yaronu sallam ab hadith la bu yaronu sallam wax ne maneko dans la vie actuelle là vous savez que pour aller à la Mecque c'est tellement coûteux que tu vois moi j'aurais bien aimé que mon fils ou mon gendre ou mon truc m'accompagne mais vous savez combien vous avez vu le billet combien ça coûte si lui il n'a pas de quoi et puis moi aussi j'ai pas tu vois minimum c'est dans ces cas là vous restez Dieu ne vous le ndax xam nga lutax minima dans les conditions là on va se ba wax en parlant du prophète et si non ñom fiñu tek seen affaire hadith ci ay hadith lañu ko tek yu woor yo xamne nabi sallallahu alayhi wasallam mo ne bokku na ci warul ci ki julit bu julit bu jigen muy voyage lu upp une journée mo bu deg beccëga goudi ta andul ak coach armalam mais li xam nga en général jigen dem mom goy on parle wa lol la wax moy ne c'est non lol la wax que ne ñom ci lool lañ teunk ko buñ ci teunk wax nañ deug motax en fait man bima ñëwé ni bima xalaataat biñuy def ci cours bi ma xalaat ne baxna di joxe avis yi différentes avis comme ça bu ko defé yow da ngay xamné lool lay jariñ ci yow bo gisé né du nekk lu bizarre ci yow c'est ça ouais tamit ku ko wax nga bañ ko mère nga xamné ki man mom lim japp amna fu ko tek am bima waxo mané mais comment ils appliquent leur truc tu vois peut-être c'est une façon d'interpréter le coran non du interpréter hadith bu leer la ñom lu leer la ñu ko tek sauf que ñeneen ñi comme maliki rahmatullah ñom dañ na non man na nek ndax yonentou bi sallallahu alayhi wasallam ben hadith bo xamné adi ibn hatim radiyallahu ta'ala ben sahabi fek dafa ñewoon bimu tuubé dafa ñew tok ben jour muy wax ak yaron nabi sallallahu alayhi wasallam am ñu ñew diko laaj di laaj yaron nabi sallallahu alayhi wasallam ci bir question bi yaron nabi sallallahu alayhi wasallam bi fek dañ ko doon jambat dañ ko doon jambat sax lu neewon du laaj légui mu ne len yeen da ngay na yakamti waye bes dina ñew muy wax ki gom ki ke ne jigen gi jigenu julli dina mëna joggé sanaa moy capé sanaa capitalu yaman djoge fa ba dem ba acci ci neegu yalla bi muy kaaba gi ta du ragal dara lulul tilli ñu lek mo wax ñuy fad xar yu ñor ak ñu mel non wala ñukoy mais du ragalati ñak sécurité do do amatu non ñom ñu japp ne lolu day wone li tax yeneen ñu sala wax lo ñom ne kon lolu man na ne lolu lolu moy ngir ila malik wax mo mbir mi nak bu ñeneen ñu waxe leneen lolu motax xam jang fikku di jël avis am solo ndax affaire Sénégal nak ñun suñu problème moy dañuy teunku ci ben comme imam malik li la lu kene wax c'est pas ça day bizarre ba pare non seulement yow bu done dafa bizarre ci yow rek grave mais le fait que nga ne teguñu ko fen lol mo grave ndax bo ne teguñu ko fen par exemple waji wax lolou ci compagnie bo ne moy yow da nga ne imam ahmad rahimahullah mom dañé kon mom nim wax def tegu ko fen lolou grave la té lim ko tek mom dafa lèr té ñom amna luñ tonto maliki rahmatullah alayh né len yeen hadith bob ngeen di wax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam di wax na ndaw si day joggé sana ba ci kaaba gi du ragal dara ci du ragal ci yoon bi dara dul tilli bi koku ñu né non lol hikayatu hal yaronte sallallahu alayhi wasallam da doon netali li xew netali li xew ça veut pas dire que lol da daga xam nga ñom am nañ ay tontu ñomit motax yoy am solo bo xamé li nit ñi que ne avi yi am nañu yaw bi moma doy wala ngir sangam la bok man dal liñ wax moma doy am nga ci droit mais nak day tax bo xamé yeen avi yi do méré ken wala nga nan bay gawtu surtout ni ñu tam ñun wa Sénégal que xamuñu dara liñ wax teguñu ko fenn nana man waxuma waaw si motax c'est dit que tu vois ils ont pété le coran moi ya des fois tu vois des interprétations différentes quoi tu vois ni interpréter ni donc ku nek ci hadith nga tek soy mbir ku nek rek dafa am fuñ ko tek si ñom fofu lañ tek sen wax da sen wax tamit lu honorable la lu deuguer la nak yaron salama ko wax benen bi tamit yaron salama moko wax ñene kon lool day wone ne man na nek motax ku ci nek ci ñoo li nga wax non la sauf que yow après da ngay xol fi nga xamne japp nga ne ñoom ñoo gina deuguer li wax ndax tamit fi nga japp ne mo gina deuguer la cela ne veut pas dire que mo nek deug ci kanamu yalla mais da di nek ay question yo xamne question yo la yo xamne moy yefu ittihad la moy ne question yoyu nonou duñ ci ne diw dem na bakkar nonou lu way top en tout cas nagat li nga nek nañ ko amal ay lay buñ la waxe dal nga xam foko tek ñom fofu lañu tek lool motax ñom do leen reprocher dara dang leen di wax ne wa graw après man ma séti ñeneen man ko je vais ouais parce que tu vois ma séti ñeneen dans la vie actuelle gis na jigen ni tu vois je connais pas mal de femmes qui ne sont pas mariées qui ne sont pas parties avec leurs enfants ou qui que ce soit ils sont allés tu vois waaw ndax ñom tamit dañoo dajé ak ño xamne ñi leen ko permettre moy ñi nga xamne dañoo japp ne loolu grawul moy ku nek xam nga yow lila dal nonou ouais manon na dal benen côté bi moy femme bo xamne mom dafa japon ne mom il faut mu and ak fréram wala ñu mel non mu dem ci ben compagnie ñu ne ko non yow man nga dem yow rek mom tamit bu dé xamul ne lol masna am avi bo xamna da na ni man na né bu dé prudentul man na né ñi out xaliss mo tax ñuy permettre yi xam nga moy yow yaagi joom man na joom bam mom sax né na modou wax ko miné tu vois nous c'est pas pour parce que si c'était pour avoir de l'argent seulement pas ñom ils ont honnête ñuy wax lol mom compagnie bobu mom en tout cas agence moi c'est la mosquée de Vaublin là. Ah bon. Oui, mosquée comment ça s'appelle de la Taz. De la man nak cité Taz, cité Taz, ouais, c'est la cité Taz à Vaublin. Dama fa xamul non. Amna dal ben mosquée buma xam côté Madé Touro, mais xawma exactement ko. C'est la cité Taz à Vaublin. Mais ñom ñom moy liñ wax amna fa ñu ko tek té tamit manuñ leen ko bañal lolo tax mu am solo kon legui kon lolu moy yaw ni ngay def moy da ngay dem ci benen compagnie wala nga laaj ñi dota dem après ma dem wa dem na après Aminta ak ñoñu ak ay grand après ma dem grande mosquée ils m'ont bien renseigné voilà grande mosquée non nous parce que on part en équipe tu vois voilà lolu lañ nane rufatu maamuna lolu la maliki rahmatullah alayhi don wax parce que on part en groupe tu vois voilà non ñom lool lañ wax moy ne ñom bokku nañ motax ñaar yeb man na nek moy ne l'essentiel dal moy ne nit ki mais man kay bi mako wax mais si yow nak lool wala wona bizarre c'est la France qui va non dama di wax c'est peut-être au niveau de la France qui sont trop exigeants comme non, ça non, là, non. Tu vois est-ce que je vais pouvoir partir d'ici mais je pensais que tu vois là yow sax bo fatel ko won war wona bizarre ci yow ndax waxon nañ ko fi wax nañ ko fi rappeler wat ko tu vois waxon nañ ko fi moy bi ñuy wax 6ème condition bi ndax ma nga na soit nga and ak sa coach armal wala nga and ak compagnonnage bu sûr te deuxième bobu non ñepp d'accordu ñu ci compagnonnage bu sûr ñepp d'accordu ngir biñu bokku nañ ci ñi ne man na nek mais par exemple ngiru hanbal yi rahmatullah alayh man la nek ñom dañ nan la c'est pas possible ñom nak xamna dañu and ak avis bobu ku nek ak avis bi nga nek baxna waaw l'essentiel moy li nga nek dal nga xam foko tek waaw c'est ça way legui kon buñ ñëwaaté ci li maliki rahmatullah alayh ñom loolu lañ wax moy ni ñom fofu kon lañ tek li tax ñu ne nit kuy dundu ñu ne nit kuy dundu loolu mom man da nek moy ne kon ndax dañ ne acc tamit dañ ci soxla nit ki di sonn sonn bi dañ ko ci out dañ ko ci laaj moy dañ ko ci sentu tamit le fait que nga dem ni ngay solo fatel ko yow mal khiyam ni ngeen nit yeen ñepp ngeen niro ngeen sol amul ki riche le ki pauvre yeen ñepp ay égalité amul ki mom président la fay lay nek fi muy jaar bu yeen ñepp ay yeen ak tamit le fait que nga torox lu ngeen sa borom ak yoyu ñu ne yoyu ku tok genen adjal la way lool c'est xam ngeen ne manul koku manul vivre yoy dañ ko xol nak ñom nak lool lañ wax sauf que ñeneen ñi dañ leen non si ndax affaire bi le fait que tamit waji nga xamne da febar man da dem mu joxe alalam koku le fait que mu joxe alalam tamit laal na ci mom tono bi laal mo ndax alal la joxe non lool daal mo nekkon bu ñëk bi ci dess moy ne biñi wax ci wër kaaba gi bima deglone mané mi mané ki Hajarul Aswad moy Pierre Noir fim nek moy al ruknul Yamani moy côté bi fété Yaman non du fofu ndax Kaaba gi dafa am 4 parties 4 côtés moy comme immeuble buñ tawax koñ yi comme buñ ni salle bi la koñ bi moy ruknul Yamani moy côté bi fété ak Yaman koñ bi ñu ne ar ruknul Aswad ndax Hajarul Aswad fi la nek koñ ba la ñu ne ar ruknul iraqi ndax côté iraq la benen bi ñu ne ar ruknul sham ndax moy côté damas côté syrie côté yoyu sham syrie lolu la moy ruknul moy pierre noir fim nek bu ruknul yamani mais ruknul aswad la ndax dañ koy ruknul hajar al aswad ndax moy point bi côté bi hajarul aswad nek mais pas côté bi fete yaman lolu moy deuxième bi mo am tamit lo xamne xamna moy ne biñuy wax ku joge Muzdalifa biñuy wax waxu ajji ci defu ajji ku joge Muzdalifa dañ nawon bo ñewé ba fajar da ngeen koy julé al masharul haram muy montagne bobu nek Muzdalifa après ngeen tok fa di ñaan di toroxlu après ngeen joge fa ngeen dem sanni ji jamra yi bu naaju génné mais bu naaju génné fofu ndax man lañ di ambiguïté cela veut pas dire que da ngay baye ba naaju génn nga quitté fa non non bu léré nga fay joge dem mina bo demé mina fekk naaju génn wala bu génnagul da ngay xaar ba naaju génn ngeen tek ci ay 5 minutes 3 4 5 minutes après ngeen bo ra sami jamra yi moy Muzdalifa bo fay joge masharul haram muy montage bo nek Muzdalifa il faut do xaar ba naaju génn bu commencé bu léré dal avant naaju génn fa ngay joge nga dem légui fogna yoy la won la setlu won ci ki bi wa yoy la won légui kon bu ko défé wa ak wi fin bi moy né ki nga xamantene ni dafa aj ba paré ba jouru tabaski 10e jour mu jogé fa dem 3 jours yi mi def mina nañ na la won ko mu neex nga def fa 2 jours ko mu neex nga def fa 3 ki def 2 jours lol choix la ta ko choisir 2 jours nga dem dara newu ci koku man na ñibi ab moy day wëri kaaba gi nuyu ko ki taggu ko dem yoonam ku mu neex tamit nga tok fa 3 jours ta dara du la ci fekk ki dem 2 jours dara du ko fi fekk ki dem 3 jours dara du ko ci fekk lolou moy li nga xamne dañ ko bëggono préciser avant ñuy dugg kon ci kuru tay bi jëlon nañu 26 minutes c'est vrai que sa question be gay waay amna solo légui kon tay ginnaw biñu waxé bi wéssu ponku ak ba ponku posé acte aji ak umra tay liñu gis moy kon ponku yi ñaata lañu dabo ponku aj les piliers yi nga xamné man dañ ak ci aj ñaata lañu dañ nan le pilier yi ñent la ñent pilier yo xamné manu la ñak ci aju nit bi ci ñëk moy ihram ta mom lañu gis inshallah légui ihram moy lan moy yéme mom yéne mom lañ nane armal rek ihram moy yéne nak ça ne veut pas dire que changer yéré lolu obligation la boy ihram mais duma moy pilier ndax yéne ci xol lay nek du loy wax ci bidi sauf que ci ajji bo la nexé nga wax mais en dehors de ajj manoko wax moy manuma di julli nan ma ngi fasiyene julli tisba lolou ken duko wax nang koy xalat waaw le fait que ni ndax yene bi le fait que bi heure bi joté ngay gis dem jappi ñew julli bo ñewé nga yéssalat yene bi bo julli jeex na jarul nga nan ma ngi fasiyene julli fajar ak que c'est dedet lolou sax motax am ci borom xam xam bi rahmatullah ño xamne dañ ne lolou bida la sax le fait que nga koy wax bida la bo xamne dafa bon ken waru ko def ndax yone musa sallallahu yene ci xol lay nek kon bo moy premier pilier bi moy ihram lañ ko moy yene bi ci teggu moy wër kaaba gi wër biñu nan bi nek farata nak moy biñuy def 10e jour bi sauf que ku mu raw fek wéru dhul hijja moy wér bi nga xamné ci lañuy aje wéru tabaski li wolof nan wéru tabaski fek wér wo jeexul man nga ko ci def mais fiñu gina kiwé dal nga def ko moy 10e jour bi moy bu nit ñu joggé mina ba sanni xéer yi fio bi jour bob nga xamné ci lañuy ñew wër kaaba gi bobu tamit pilier la mom lañuy wax tawaful ifadati tawaful ifada moy bobu pilier la benen bi moy daw entre safa ak marwa bobu yit pilier la moy da ngay gis ne jour bobu nonou 10e jour boko defé après da ngay man nga daw safa ak marwa comme bobu set fatale ko ni nga waxé won ki bi bo ñewé ci kaaba gi bo wëri set ki 3 yi nga waxu waxu bu gaaw dox doxum goor bu gaaw budé jigen mom day dox normal mais bu dox day dox normal bu mu né dox bu baax aussi wa non mom mu dox normal mo gën ndax ci jigen lool mo gën ci mom mo ta tamit a general sax ak bousculade yu bari leg leg sax lolou dama nek budé dañu xamné buñu ko défé djéy am bobu kenn du daw ndax quand même le fait que do ñew di def lo xamanteni ndax daw bi non boko défé budé amo condition yi mayu la nga def ko du yak saaj waaw parce que fofu man ñu gori ñoo budé jigen mom jigen jigen mom day dox jigen na dox mo gën ci mom daw bi du daw sax même gor du daw moy waxu mu gaaw la rek legui waxu bu gaaw voilà legui kon 3ème bi moy nga daw safa ak marwa kon liñ doon wax moy bo wéré kaaba ni ba julli ñaari rakka aji moy ci tawaf ndax du moy li ñoxon da ngay dem ci station d'Abraham maqam Ibrahim nga kifa nga def falonati nga julli fa ñaari rakka yo xamne yu gatt nak yo xamne sopu nañ nga tarifa qul huwallahu qul ya ayyul kafirun qul huwallahu ahad après nga daw safa ak marwa commencer safa ndax yaron nabi sallallahu alayhi wasallam dane won damay commencer fi yalla commencer yalla mo na inna safa wal marwa safa lu jëk tuddu kon mo ne mom ci lay tambalé nga daw ko 7 fois lolou pilier la safa ak marwa pilier la bu mu jubi 4 la du 4 lañ wax wax nañ ihram moy armal moy yene bi weur kaaba bi daw safa ak marwa dernier bi moy taxaw arafat taxaw arafat tam pilier la yaronte sallam neena al hajj arafa aj mom moy arafat motax ñu ne la won 8ème jour bi ku ñewul grawul kum fa fekkul amul solo li graw moy 9ème jour bi jeex tak tak tak tekew ken gisul fa dayaw nga yene won ne da ngay acci yaw do tout façon sa adiyakuna ta tamit duñ ne sa adiyakuna kon jarul man nga depp ñi bi dede da ngay dem continuer acci après nak nga fay acci bobu da réparé ko ta bokoy réparé yaw bo ñibé sa kër wala da nga fa tok di xaar liñ lay liñuy téré ku ihram ku dugg ci acci dañ la koy téré ba bobu kon pilier yi lool la kon ñu baamuko moy da ngay yene ihram nga wër kaaba gi wër bi tawaful ifada moy bi ñuy def 10ème jour bi waxna la ne man lañu ko def ba fin ki bi ku xamne manuko won wala da am lu ko téré won def ak daw safa ak marwa ak taxaw arafat moy 9ème jour bi légui kon lool moy pilier légui ñu ñew bu ñëkk bi moy armal al ihram ihram lolou ni lañ koy traiter moy ne première question kagn la mëna commencer ne man yéné na né damay aji ban période ci deuk ci année bi 12 mois avant 2 mois avant 4 avant 5 7 wala kagn wala 2 jours avant lolou moy bu ñëkk bi lolu lañuy wax miqat zamani moy rek heure bi ma xam période bi nga xamne ci la mana ci lay yene aj legi mu am benen muy miqat makani muy miqat makani moy dama na moy fi nga xamantene ni mom liye bi nga xamne bu doon armalaguma moy yene guma won je suis obligé buma fa accès par force nak ma armal moy ma yene ak buma yene ñaata façon yene moy ñaata façon moy est ce que damay la meuna yene moy damay yene acc kesse comme niñ ko waxe won kéro wala damay acc bolé ajak umra wala damay umra ba paré acc lolu ki yene bu ko nexé mu tan ñet yoy ben mom il faut mu tan ko ci wala tamit est ce que nit man na né man yene na li serigne diw yene serigne diw da acc ci ané bo ñu ñew ba fofu ñu ne ko yow dé mano dépasser fi te yene wu mu ne wa man yene na li serigne diw yene bu dé dafa yene acc kessé man acc kessé lay def bu dé dafa yene umra acc man damay def umra acc bu dé da len di bolé day umra ba paré do acc man damay def mo fofu est ce que man na nek wala dit ak tamit ana yan lañuy téré ko xamné dafa armal moy dafa yéné ba dugg ci période de sacralisation moment de sacralisation bi ana lam lañ ko téré mu def ak lan lañ ko téré nga xamné bu ko défé day fidya tamit dinañ wax moy lan fidya moy da am lo xamne dang ko wara def comme si dañ la téré nga def dara nga def ko légui ñu né le li nak ngay def ngir réparer li ñom légui kon ñu commencé do ñu am na question yu dess mais dina ñëw inshallah bu jëk bi kon moy définir ihram wax nañu moy yéene yéene lan motax moy jëf yépp man da jëf ya jëf yi jëm ci walu jaamu yalla man da bax bu dé yéene bi amul ndax yaronnabi sallallahu alayhi wasallam yalla mo né wama umiru illa liyabudullah mukhlisina lahu ad-din hunafa aw yuqimu as-salata wa yutu az-zakata wa dhalika dinun qayyim wa suratu ban lawan wala faté ko ba gisone nañu ban suratu faté ko ban sal ay parce que comme mon mo ko par cœur golu lawdin lolu moy wonane baba tir tir tir nang ko war je outal fokay comme ça mom dama ko faté ina ko occupe légui suratul bayyina bayyina suratul bayyina la lam yakun alladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikeen munfakina hatta ta'tiyahumul bayyina rasulun min allah fofu la legui yalla dane te ni wama umiru te ñom nit ñi ak jinne yi tamit digaluma len illa liyabudullah liyudul ni jaamu yalla dong dong mukhlisina lahu din selalal ko façon gi ngoy jaamu dine mi ngoy def luñ ci defati muy yalla tax waaw mune wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun binduma nit ak ginna lu ñu jaamu lool rek kon nak moy kon lo li jëf ci li jëm ci jaamu il faut kon nga yéene ko yalla budé dañ ci duggal keneen sa boss baax wala nga yéene leneen place li nga warona yéene timis nga yéene takusan yow sa julli baaxul wala tisbar nga yéene takusan xam nga ñent ñent la nga naan après grawul nako comme que ñent la nako sanni benen bi rek lolu baaxul boy sa julli baaxul da ngay jup yow sa takusan baaxul sa tisbar baaxul lolu motax yaronnabi sallallahu alayhi wasallam ne innamal a'malu binniyati jëf yépp ci yéene la aju bu ci yéene dañé moy dara déssatu fop yéene bi aussi c'est dans le cœur tu vois tu dois jamais le prononcer non non bu dé ci aj wax nañ né bo ñëwé fofu man nga né ndax bu ñu naan labbayka moy labbayka allahumma bi hajjin moy wa umra wala bi umratin wa hajj moy né man nga né bo accé fofu nga né yalla ma ngi lay wuyu ndax comme ni mo xon yaron yalla ibrahim alayhi salam né ko wotel ci aj gi dinañ la dikkel yow bo ñëwé bo xof da ngay wone né yalla dikkel na la wuyu na la mais nuyu na la ngir acc wala bob ngir umra ak acc ainsi de suite lol man nga ko wax ku ko wax kok grawul ci yenen yi lañ bañ yenen jaamu yalla yi comme ay julle gi wor ma ngi fassiyene wor wor tay premier jour ramadan dedet lolou la la ne amna borom xam xam ñu ne lol sax bida la ku ko def def na lu bon lo xamne waro ko wona def legui kon yene bi moy lolou lol motax yi ni ñotax kon yene bi nek lo xamne c'est obligatoire ci acte culturel yi boudé acte culturel yi socio culturel yi comme tak soxna yoy ken do la ne yow é ibrahima ngay tak so soxna ci lo ci yene won ah man nak dama ko gis mo mo rafet rek ma tak na ah kon tassal ce sey ndax yow yene wo ci yalla ah dede non non non non bu ko ci yene mo geul mais bu ko yene wulit graw ko graw ndax lol acte socio culturel la lol graw ken du ci yak yefi jambo ndax yow yene wo won yalla kuy jaay tamit manuñ na e yow ma ngay jaay dembu sa yow sa boutique bi bing ko ubbi lo ci yene man am xaliss ñu ne la kon li nga ci massa lek yeb riba la da nga waro na yene yalla no ken bu ko wax lool na yefu lool ak tamit jeufleenti digeenti nit ñi yoy ken du ci yene ay ken du ci ne man nga ci bo yene mo geun mais ku ci yene wul tamit ken du ne yawul kon li nga jottono def ak li ngay def bakkar ndax yene wul dedet acte culturel yi wa nga xamne yalla comme ay julli wor genn azaka sax yaw boko yene wul tamit dañ koy nangou par force legui nak moy ne yow tiyaba ji dang ko dul amati mais ndax asaka alal ji moy liñ la waxon sank li maliki rahmatullah alayhi don wax nan dafa am acte yo xamne alal rek la am jaamu yalla yo xamne yo fi yaram la ak yu jaxaso bude asaka yow yene wo ci comme wa jo xamne mom dafa wara genn asaka mais mu ne mom muy nay nay lu ne du ko genn ba yegne ki man na ki gel ki nga xamne autorité yi ñun dañ koy forcer nangu ko ci mom buñ ko nango forcer ci mom kenn du ko ne genné watal grawul ndax genné nañ ko mais nak mom du ñu am tiyaw du ci am tiyaw ay wor dem makka bo ci yene leneen loolul yalla ku dem moy liñ la waxon rek waju joge fi dulit la xam nga liñ la waxon moy yéfer bu ne mom j'ai vu que le pèlerinage c'est génial gaay ko fa lay dem way mu dem mais dulit bu jappé non sax mom adam baax lool motax kep ku joge Sénégal wala nga joge fi di taggo ak ñaan man yow li nga yene moy dem siaré ji nabi sala sala yow adjo même bou dé def nga lepp ah ndax yéné wo di yéné wo yow sé yéné baax lolu moy problème bi moy né gaay lolu lañ ko wara xam ay dem di tago waw yow li ngay wër di tago fexé la ñëk ka xam li ma fa war ndax dem naan ma ngi dem bénk ngir siaré ji nabi sallallahu alayhi wasallam moy yow yéné wo bude non nga aji ba ñew yow adjo ah vrai dire mom affaire du lool la mom mon am yene na ba pare non ben affaire la moy ko xamne lool ci xolam la jax ndax lool li koy indi lu bari moy ñak xam ni ngay def xam nga mom la ne xolal wa nga xamne mom da xey da tok gis nit ñi julli mu julli ñu ne ko eh mais yow lo doon julli sank mo ne ah non man dama gis gaay julli mo julli ya je sais pas koku julle ma bu doon tisba ñu ne ko ndax julli nga tisba mo ne kon gaay tisba ngeen doon julli ya ñu ne mo ne kon bax na dañ nako julli wo def ka julli wat lolu tamit moy dal waji ma ngi dem penko siyaré ji nabi te waxon nañ la ne sallallahu alayhi wasallam moy ne yow aj man nga aji ba ñew ta do ja medina dafa geurul mom lu graw la lu ban graw dañ nan da nga bakkar amo bakkar mais nak mom dal dem nga lo xamne dal mom vraiment geunul dar moy ne demone nak ñoo nga ba fof mais dama medina da ziaré jëru mo xassal ak tamit al maire jul sahaba yu magi fa nek ak dom yonante wa keur yonante bi sallam ak yoy mom bax la mais ku ko deful manu ko boko amul ben rapport ak adam Madinatul Munawwara ala sakinah do sahab salam mo man nga dem mak dem aji ba ñew do xaja ta saaj baxna motax yow bo yene ne man fofu la jëm di taggu ni mi yow yene ne man fa la jëm ci yaa ah mais yow adjo lool motax yene bi dafa am solo fil yele xam na mo tax ñu ne la lool fil yele ci affaire legi kon ñu ñew ginaa biñ xamé lool ak fi mu tegg ci li tax yene nek pompe dal qur'an ak ci hadith legi mu dess kagn la mëna commencé test mo def ci ban période ci année bi la mëna commencé né man mi dama aj yi fas yene na aj kagn ban année ban période ci année yalla na né ci alcorane subhanahu wa ta'ala alhajj ashhurun ma'luma aj ay wer la yu ñu xam wéru aji moy yal wéru aji mu ngi commencer kon yene bi day commencer jour bi dernier jour koor gi bu jexé dernier ci guddi bi non bu la nexé nga tambalé nga yene né man damay aji ren bax fofu lay tambalé jexé 9ème jour bi muy jouru arafat moy bonjour arafat jexé c'est fini pour yow moy né moy fofu la yem yene bi ndax bo ñëw mom lañ nam mom fofu la yem moy kon fan la commencé muy commencé début shawwal moy wér mu commencé bi top ci koor gi ramadan après ramadan shawwal mom xawma wala nan doomi lan koor moy wéru koor bi wer bi jeul xawma bay ko wara xawma lan man dal xawma ko ci wolof mais dal moy wer bi nga xam jour bi nga koor gi jeex ci goudi gogou bu la nexé nga tam nga yéné né man fasna yéné ajirem mu ngi jéxé 9e jour bi kon lolu moy période bi sauf que képp ko xamné dafa yéné avant mo xam ci koor gi wala avant koor gi koxu lim def moy né luñu sip le mais quand même baxna li ay bi wax ne koor ci ak dafa nek ay at ay wer na legi kon lolu moy ci periode sauf que pour guen nak xam nga bo duggé li tax ñu nan armal moy armal bo ci duggé da ngay nek ci periode de sacralisation da am ñu lay téré yo xamne mëna do ko def pour nak nga mëna defat ñu lay téré moy il faut nga guen ci aji nga paré dafa am yo xamne dafa am ñu nan at tahallul as-saghir at abdum moy bo xamne man na moy fi ngay wato nga xamne am na yo xamne mina am na yo xamne man yuñ la téré won man nga ko def sauf que man wo sey ndax sey dañu ko téré lool ku ko def sa jaquna bokku na ci yiñ téré yiñ wara ñew nga xamne man nañ ko teunk ci 7 yo xamne 7 ak yo xamne kepp ku armal dañ la koy téré légui non non waxati yiñ ñen di téré bo wala moy ne wa pour nga meuna genn ci pour nak nga meuna defat yiñ lay téré comme sey bobu ko yoy bobu mu ngi jexé bu wéru ajji jexé fofu lay jexé kon aj yene bi mu ngi commencé chawal moy buñu korité buñu bo dernier jour bi nga wor wa ñu né koor gi jex na tay ci guddi gi non bu la nexé nga kambalé yene ba 9e jour bi jouru arafat falayem légi ku yéné avant baax na mais def nga lo xamné gënu kon lool moy période bi légui mu dess ban moma ban lieu buma fa aggé mom fekk armala buma won yéné mom par force dama wara armal ak boudé dama ko dépasser té armalu ma dumay def lieu yi la yonnentou bi sallallahu alayhi hadithu abdullah ibn abbas bariya fa Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu dane waqata an-nabi sallallahu alayhi wa sallam li ahli al-madinati dal hulayfa wa li ahli al-sham al-juhfa wa li ahli al-yaman yalamlam wa li ahli najd قرن المنازل وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما داني يونتي صلى الله عليه وسلم يونتي صلى الله عليه وسلم دفا moy dafa tek moy lié yi nga xamné nit man ko dépasser té armalou té yéné wu mune pour wa medina ben lié bo xamné comme ñu né won mano dépasser gis nga tramu charpène bi ni ligne tram bi boko dépasser té armalou rek moy yow waro ko dépasser armalou ñu né charpène la charpène moy fi nga xamné waro ko comme non la rek ay tour képp ku joggé medina ala sakin abdullah salatu wassalam wa medina ak ñi nga xamné medina lañuy jaar ngir ñew makka ñoñu manu ñoo dépasser fuñu nan dal hulayfa ben endroit bu tuddu non dul hulayfa fofu la yaronata sallam bi mi arm bi mi aji mok sahaba ay radiyallahu ta'ala ñom fofu lañu armale moy manoko dépasser fofu ngir ñi joge medina ak ñi nga xamne ñom il faut ñu jaar medina ngir ñew manu ñoo dépasser fofu armalu yene wu mune wa sham fofu legui mom lañuy wowe zul hulayfa abyaru ali lañ koy wowe legui benen tour lañ ko gina jox fofu abyaru ali moy ten ali ay ki la moy tour la rek mune wa sham ñi nga xamne siri lañuy joge ak europe occidentale afrique egypte ñooñu manu ñoo dépasser bu ñëwé ba fu ñu naan al juhfa ben endroit la tamit manu ñu ko dépasser ta yéene wuñu añ mo xam nak yi may wax ni mo xam avion nga nek mo xam geej nga nek mo xam da ngay dox mo xam da nga war bu dé avion ngeen nek bu ngeen ñëw ba waji jé pilote yi dañ leena wara wax wala gaay ni leen ñu ngi waji ag fofu ku armalul won na nga armal mo xam avion lo mo xam terre air lepp non ngay def mer non ngay def lool manoko dépasser légui lool moy ngir ñu joggé Europe occidentale Afrique Égypte ñoo ben rabir lañ koy wolé légui fofu moy al juhfa fofu non manoko dépasser endroit bob te armalo mune wa yaman ñi nga xam ni sud bi lañuy joggé moy yaman tay ak ñi nga xamne ñoo bokk ak yaman ak yoy ñoo bokk fuñuy joggé ñoom manu ñoo dépasser endroit buñ nan yalam lam ta armaluñ tour lo yalam lam tour ben endroit ñoom man nga ko dépasser mune wa naj mo ñi nekk ci est bi ñi est arabie saoudite ñoo ñu manu ñoo ñewit ki ak ci dépasser bala ñoo dépasser hein ben dekk buñu nan qarnul manazil ben endroit la tamit fek ñoomit buñ fa waruñu ko dépasser ta armal légui wa iraq nak ndax bobu hadith bi dané muné hunna la hunna lolu pour dekk yi mu lim nonu la medina wa sham wa yaman ak wa najd najd moy est arabie saoudite non muné pour ñom la ak képp ko xamantene ni dafa djogé wara jaar ci sen fof wara jaar ñom sen dekk doora ñew mak képp ta mu fekk koku nak mu bëgg umra wala mu bëgg aj moy mak mëno fa dugg non nga wara umra wara aj ta yow nga ñew dépasser endroit yoy ça dépend yow fan nga djogé ta armalo légui mu dess wa iraq ñom zaatu irqala ñoomi benn endroit lool nak amna ñu ne yaronbi sallam comme hadith jabir bi radiyallahu ta'ala ni muy wone am ñu ne sayyidina umar radiyallahu ta'ala moko def mais yeb tamit da ngay gis comme sayyidina umar radiyallahu ta'ala yag nay wax ay wax yo xamne da koy wax ba pare alquran ñu d'accord ak mom c'est pas dulu bizarre boudé mom moko fixer après ñu gis ne da yaronbi sallam waxon nak ñom manu ñu dépasser fofu kon li moy li nga xamne moy endroit yi nga xamne nit par exemple liñu concerné boudé France ñu jogé yow par exemple ku jogé France mano boudé fekko nga arma avant mano dépasser al juhfa muy rabir même tour bi légui non la tour mais légui tam dañ koy wax rabir mano ko dépasser ta arma mo xam avion la nek mo xam terre nga nek mo xam nga arma ko ya des bien des lieux délimités voilà lieux délimités moy lieux yi mala wax ni pour Europe occidentale Afrique ñooñu Égypte Cham il faut buñu ñëwé Juhfa ñom ñu arma obligatoire légui heure bi mu ngi ki 16h ki xamna dañuy yëm fofu inshallah bo bi di ñëw kon gis nañ délimitation yi bi ni ñew mu dess wa légui wa jo xamné mom da ko dépasser ko tépp xamul won mu dem ba makka nara wër ñu né ko mé yow aj kessa ngay défalo mo lool moy lan ñu né ko yow yéné wo armalo dama ci xam dara légi ko nu muy def wala ko xamné xam nako mais soit dafa faté ba dépasser wala ko xamné mom dako tay dépasser légui ko xamné dal laaj bi moy ko xamné dépasser nako légui mom ba wéssu ko moy kon légui ko nu muy def légui bi di ñew inshallah ci lool lañuy continuer inshallah ndax li ci dess ndax ponk yi dañuy fexé mu xobo consi mais tamit mu leer tamit comme ça fogna bi ñew inshallah sax dina mëna jeex ndax ci lañuy mëna ñu dañuy gissale tamit ñi ñi téré ko armal bu ko défé buñ ci paré dañuy dugg ci benen fonk yi moy tawaf mais ya armal dafa am tamit ay obligations yo xamné boko défé amna deux obligations yo xamné bo armalé tu obligé nga def yoy tamit inshallah dinañ ko giss kon xamna ñu yamani doon والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين